Pour cette dernière édition de 2013 du Undead Incorporated Show Réanimation, l'immonde Gobelin Sinistrose et moi, la Dr. Payne, aurons le plaisir de recevoir deux membres de la défunte formation métal trifluvienne Chronicle Disturbance. Formation qui aura été active de la fin des années 80 au début des années 90 et qui aura laissé une empreinte indélébile sur la scène métal québécoise et possiblement au-delà. Mais avant de recevoir nos invités, Sinistros et moi débuterons ce dernier chapitre métallique de 2013 en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre de l'émission Rock Classique, qui dans une heure environ endossera son deuxième rôle d'invité, soit The Chronicle Disturbance, ce qui suppose que nous les séparerons en deux, moitié bien sanglantes. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque vous devez subir toute cette dernière année et qu'en plus, nous reviendrons. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead incorporated because Pendragon said so. Let's get zombified. Go!

Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière édition de réanimation, en ce 17 décembre 2013, dernière édition, bien entendu, de cette année. Je suis le Dr. Payne Pendragon et ce soir, je suis accablé non pas de un, mais bien de deux assistants. Et toi, écoutez. Sinistrose, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? C'est très bien, merci. Oui? Oui. C'est tout? C'est tout. Bon. Je n'ai plus rien à rajouter. On s'en parle juste à la fin de l'émission? Si tu veux. Excellent. Et nous accueillons le Rockmaster. Pardon. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un instant, j'ai manqué mon punch. Quelle horreur. Je vais vous arranger ça, ce ne sera pas long, messieurs. Ah, le petit coquin. Voilà, le Rockmaster. Je vous en prie. Il vient deux fois par année. Et hey, sais-tu quoi, docteur? T'as manqué. Oui, quoi donc? Hey, je viens de me rendre compte que moi, j'en ai pas de slogan. T'as pas de slogan? Non. Par rapport à l'émission? Non, mais toi, tu viens toujours, tu sais, tu commences à... I wanna rock. Oui. Mais moi, j'en ai pas. Ouais. Puis pour... c'est un peu lame, hein? I want metal. Écoute, moi, je te laisse tout le temps que tu veux pour en développer un. De toute façon, comme t'es parti là, tu vas revenir juste dans un an. Et oui, le Rockmaster à la fève de l'émission Rock Classique que vous écoutez ici, j'en suis certain, tous les vendredis, qui ce soir endossera deux rôles, celui de co-animateur, mais celui d'invité dans environ, je dirais peut-être une 35 à 40 minutes. Vous allez bien, cher Rockmaster? Très, très, très, très bien. Comment cela? Ben, je suis content d'être dans ton labo. Oui. C'est parce que c'est rare, hein? Oui, et c'est rare qu'il est propre aussi. Oui, ben c'est ça, t'as fait le ménage. Non, j'ai fait le ménage. Il a fait le ménage. Ah, oui. Quelques coups de fouet bien placés, ça l'a convaincu. Ben, t'as du talent. Dans ça, oui. Donc, ce soir, on a une émission qui est assez chargée, comme je risque de me répéter, comme je l'ai fait tous les semaines. C'est vraiment le cas ce soir. On a énormément de choses à vous proposer musicalement. On a Alain qui est ici comme invité pour cette première séquence d'émission. On a deux membres de Chronicles Disturbance qui vont être avec nous, soit Alain Lefebvre, bien entendu, et Alain Deslauriers qui devrait être avec nous, j'imagine, sous peu, pour faire la présentation du reissue de l'album qui est paru originellement en 1990, soit Foggy Creek, et qui, 23 ans plus tard, a été réédité sous la bannière de Galley Records, n'est-ce pas? Exactement. Et qui est sorti, je crois que c'est pour le Metal Fest, hein? Oui, il est sorti pour le Metal Fest, en effet. Donc l'automne dernier. Donc, sans plus attendre, par contre, parce que Alain daigne pas sortir de son rocotron régulièrement. C'est rare. C'est rare. On va lui laisser le plaisir de continuer musicalement. Oui. Avec ses propres choix. Oui, tout à fait. Qui est un mélange de nouveautés, oui, et de classiques. Hein? Donc, de vieillerie. Oui, exactement. Des vieilleries qui, moi, m'ont touché et me touchent encore. Bon, et qu'est-ce que c'est? Écoute, on va entendre deux de mes albums préférés en 2013. On va entendre Revocation avec une pièce tirée de leur quatrième album homonyme qui est paru à la fin de l'été. Et on va aussi entendre Carcass, ça c'est un de mes groupes préférés. Oui, Carcass dans le métal. Je vous fais de ça, oui. Et j'ai beaucoup aimé Surgical Steel. Mais là, on va y aller avec quelque chose de classique. Hein. Un des albums qui m'a le plus influencé, qui m'a le plus touché dans ma vie, c'est-à-dire l'album Bundled by Blood de Exodus. On va écouter la pièce No Love. Go! Sight. Yeah. Ben, c'était pas mal poche, ça. Attends que je vais revenir à Rock Classique, moi. Donc, ben, je l'ai décidé, j'en retourne plus. Alors, cher Rockmaster, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Revocation avec Fract. Ça, c'est tiré de leur quatrième album, homonyme, qui est paru l'été dernier. Et juste avant ça, on a entendu Carcass avec Unfit for Human Consumption. Ça vient de l'excellent disque Surgical Steel. Ça faisait quoi, 15 ans, 17 ans qu'elle n'a pas fait d'album? Facilement. Il est vraiment très bon et très controversé, par contre. Hein, c'est pas tout le monde qui l'aime. Ben, moi, j'ai un peu de misère avec. C'est assez différent de ce qu'il faisait avant, là. Ben non, c'est dans la continuité de l'album Swan Song, je trouve. Ça, je trouve que ça sonne bizarre. Comme ben, en tout cas, il y a encore de la guitare dedans. Là. Oui. c'est le point commun. Ils ne sont pas mis à la flûte traversière. Non, apparemment, non. Oui. Non, non. Ils ont voulu contacter Zamfir, mais semble-t-il que... Il était trop occupé. Il fait trop de bave dans sa flûte. ça n'a pas fonctionné. Au début du bloc, on a entendu Exodus avec No Love. Ça nous vient de leur classique, un des plus grands albums de thrash de tous les temps, l'album Bonded by Blood. Absolument. De 1985. Tout à fait. Et moi, je vais récupérer mon oubli de début d'émission. J'ai omis de présenter le premier bloc. Ben oui. Ben oui. Comment ça? Je sais-tu. On se rappelle même plus de ce qu'il a joué, là. Ben... Ça donne tout quoi à te présenter. Où est-ce qu'on est, là? En ouverture d'émission, on a entendu Six Feet Under et la pièce Revenge of the Zombie qu'on retrouve sur Warpath. C'était le deuxième album paru en 97 sur l'étiquette Metal Blade de cette formation qui existe toujours. D'ailleurs, le dernier album, Onborn, fera partie de mon top de la rétrospective 2013. Très bon album, très bon. Oui. Entomb et la pièce Living Dead tirée de l'album Clandestine qui est paru en 91. Overkill. Et ça, c'est pas jeune. 85, Raise the Dead, tiré de l'album Feel the Fire. Et nous avions ouvert avec Testament et DNR, Do Not Resuscitate, pièce d'ouverture de l'album The Gathering, qui, selon moi, est encore pour... Bon, en tout cas, moi, c'est mon préféré de 99. Vous aurez compris que c'était un bloc concept qui parlait de pâquerettes. Ben, ça pousse... Morte vivante. C'est ça. Ça pousse sur la terre, quand même. C'est brillant. On a notre deuxième invité qui est arrivé... Monsieur Alain Deslauriers. Tu peux t'approcher du micro, Delo. Je sais que t'es timide, mais il te mangera pas. Bonsoir, Alain. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ouais, parle dedans, parle dedans. Brille. Comme ça. OK. Yeah! Là, on l'entend. Alain s'est joint à nous il y a quelques instants pour participer à cette spéciale Chronicle Disturbance qui aura lieu dans, ma foi, 20 minutes et quelques secondes, mais je suis bien content de t'accueillir pour la première fois. Ça fait plaisir, moi aussi. Oui. Puis mon 100$, il est où, là? Il s'en vient, il est en poste. D'accord. On retrouve Alain un peu plus tard dans l'émission. Mais Sinistros, t'as quelque chose pour nous. Puis juste pour te faire plaisir. Oui, oui. D'ailleurs, l'espèce de sale Judas, j'ai vu passer l'espèce de commentaire. J'ai eu vent. Oui, l'espèce de conspiration que tu... Voyons, tout ça paraît sur Facebook. Tu te dis que le Rockmaster serait avec nous ce soir et qu'il t'aiderait à m'achever avec du black metal. J'ose espérer. Mais à date, t'es fourvoyé royalement. Là. C'est horrible, ça. Ben non, c'est pas horrible. Non? Non. Dommage. C'est rien pour t'achaler en cette dernière émission de 2013. D'accord. Qu'est-ce que tu nous proposes? On aura du Aura Noir, du Talk, du Shooter, du Immortal. Donc, c'est un concept norvégien, finalement. Ouais. D'accord, là, ouais. Avec des petites guitares, font... Ouais, ben bon. Aura Noir, Withheld, tiré de l'excellent album Out to Die, qui est paru en 2012 sur Indie Recordings. Go! Breaks up, makes the earth break. peut-être débordé par ta fin de session, t'as peut-être pas été sage toute l'année. Pas grave, la barrique te garde pareil. Pour Noël, cours la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 50$ qui comprend de la bonne bière de microbrasserie, des grignotines, un décapsuleur ainsi qu'un verre de collection. Allez chercher votre coupon de participation dans votre journal Zone Campus, déposez-le directement à la barrique ou encore dans la boîte privée à cet effet, ici même, dans nos bureaux, à C'est Fou. Psst, l'indice, c'est Blanche-Neige. T'as-tu compris? Blanche-Neige. Oublie pas, pour tes parties des fêtes, c'est à la barrique qui vend de la meilleure bière. La barrique, 4170, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Dans la lignée de Sky Punka, retrouvez désormais tous les vendredis soirs les Bonnets Rouges de 22 à 23 heures. Les Patriotes de l'UQTR profitent de la période des fêtes pour se refaire des forces ainsi que pour remercier ses chers supporters. Prochain rendez-vous au Colisée de Trois-Rivières le mardi 7 janvier à 19h pour un match de hockey les opposant aux Redmen de McGill. Le hockey des Patriotes, une tradition d'excellence. Pour information, uqtr.ca/patriotes. C'est fou. 89.1. Mais le gobelin, tu fais? Allô? Bonjour, bonjour. J'ai des petits problèmes techniques. Où? Entre les deux oreilles. Ouais, ça. T'apprends rien à personne. Là. Ah, c'est cela. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, cette épouvantablerie-là? Là? Ben oui, c'est juste pour te faire plaisir. Ouais, ça a bien marché. En cette belle journée d'hiver très froid. Ouais, on s'est cru un peu à cabane à sucre. Hein? La cabane à sucre, oui. Sucre empoisonné, oui. Sucre laxatif. Ne pas confondre avec le sucre et les slax, hein, ici. Hein. Puis ben ça, c'était des ex-slax. Ça. C'est sucré, des ex-slax. Oui, au goût. Immortal avec Northern on Fire. C'est paru en 2009 sur l'album All Shall Fall sur Nuclear Blast. Shoulder avec Volcher. Qui? Comment? J'ai mal compris. Non, je ne le dirai pas de quoi. C'est paru sur Legion and Helvet, qui est paru en 2011 sur Season of Mist. Talk avec Orkan, paru sur l'album Norex Vapen en 2011 sur Dark Essence Productions. Et Aura Noir avec Withheld, avec l'album Out to Die, paru en 2012 sur Indie Recordings. Toi, t'as le don de choisir des bandes avec des pièces pas prononçables, hein? Ouais. Au moins, tu l'admets. Tu sais, au moins, s'il était bon, t'es tonne. Mais là, contre tout chanceux, c'est la dernière fois en 2013 que tu en entendais. Oui, c'est vrai. Il faut vous rappeler que c'est la dernière édition 2013 de Réanimation ce soir. Nous serons de retour le mardi 7 janvier à 19h. Mais par contre, pour 2014, Réanimation reviendra à une horaire de 2h, soit de 7h à 7h15. Puis tu vas être quand même, c'est ça. Tu vas être quand même chanceux parce que ça va être la Retro Undead de 2013. Absolument. Et on part le bal avec la Retro Undead. Et j'ai commencé à regarder ça tranquillement. Ben, moi aussi. Sauce, là, puis, bon stock, j'ai peut-être plus de stock que je l'aurais dû. Moi aussi. Mais il n'y a pas de black metal, fait que c'est pas pire. Yeah! On est content. Bon, 20h06, juste 6 minutes de retard, on n'est pas si pire, hein, quand même. Chronicle Disturbance, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée, mais on va le savoir bien assez tôt. On a deux membres ici qui faisaient partie de la formation Chronicle Disturbance. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a Alain Lefebvre, qu'on connaît depuis longtemps. Ben, en tout cas, ici, on connaît depuis longtemps. Allô? Rock classique, tout le monde le connaît depuis longtemps. Mais Alain Deslauriers aussi, qui lui, on le connaît pas. Mais c'est pas grave, on va apprendre à le connaître, il a l'air pas si pire. Donc Alain faisait partie des Chronicle Disturbance. Pourquoi que j'ai convoqué ces gens-là ce soir? Pour le fun. C'est ça, pour pouvoir leur taper sa tête un petit peu. Non, je les ai invités simplement parce que je voulais souligner la réédition de l'album Foggy Creek, comme je le disais un peu plus tôt en émission, qui est paru originellement en 1990 et qui, 23 ans plus tard... à quelques journées près, ou quasi, a été réédité sous l'étiquette Gallery Records. C'est un album que moi, je n'avais pas écouté depuis longtemps. Je n'avais pas entendu parce que jusqu'à ce que je puisse me procurer une version vinyle, je crois que c'est l'an dernier ou il y a deux ans, j'avais pas une bonne qualité de ce que j'avais trouvé comme disponibilité. Donc, j'ai été bien heureux de pouvoir écouter ça. Mais là, je prendrai pas toute la place parce que ce que j'apprécierais, c'est que comme il y a deux membres directement fondateurs de la formation, qui sont assis devant nous. J'aimerais que ces gens-là puissent nous parler un peu de comment a débuté le band, nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ça, aller jusqu'à l'enregistrement de cet album-là. On va y aller chronologiquement si votre mémoire vous joue pas trop de tours. Et justement. OK. Bon, ben, ça nous a fait plaisir. On va continuer musicalement. Ben, écoute, à l'origine, il y avait un groupe à Trois-Rivières qui s'appelait Outrage. Mm-hmm. Et Outrage, c'est un des premiers groupes québécois à avoir fait une musique extrême avec Voivod et Aggression. On faisait du speed metal. On appelait ça du speed metal à l'époque. Oui. Hein? On appelait pas ça du thrash, là. Non. Le terme a été complètement dénaturé par la suite. Quand on parlait de Slayer, quand on parlait de Megadeth, de Anthrax, de Exodus, on appelait ça du speed metal. Mm-hmm. C'était une musique, un metal extrême et extrêmement rapide aussi. Lorsque Outrage s'est séparé, eh bien, Dello et moi, mm-hmm. nous avons formé Chronicle Disturbance mm-hmm. avec deux autres musiciens, dont François Richard. Mm-hmm. Qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on le salue en passant, François. Mm-hmm. Donc, on a formé un groupe qui était dans la même mouvance que Outrage, c'est-à-dire du speed metal, mais, tu sais, assez rapidement, on s'est rendu compte que le thrash, ce qu'on appelle du thrash aujourd'hui, du speed metal, c'est un style extraordinairement limité. Hein? Et redondant. Redondant. Alors, lorsqu'on a enregistré des trucs comme Hello Waits, puis Raining Blood, et puis Bonded by Blood, on a pas mal fait le tour, et ça serait assez prétentieux de croire qu'on peut faire mieux. Mm-hmm. Alors, la seule chose qu'on peut faire à l'intérieur de ce style de musique-là, c'est de l'améliorer oui. en métissant des choses. Et comme j'étais un amateur de rock progressif, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rock progressif à l'époque, je me suis dit, on devrait faire un métissage des deux, vraiment, comme si Slayer se mettait à jouer du Yes. Importer des éléments. Oui, c'est ça, exactement. Faire de longues pièces avec plusieurs mouvements, pour aller chercher quelque chose de nouveau, mm-hmm. vraiment. C'était ça l'idée, d'ailleurs, Chronicle. Et c'est pour ça que les pièces, en général, sont quand même assez longues. Oui, effectivement, vous avez une longue pièce de 8 minutes 30 qu'on va entendre un peu plus tard oui. au cours de cette entrevue-là. Et ça, à l'époque, personne faisait ça, là, des longs morceaux. Non, effectivement pas. Non. Ici, on a 50 % de la formation parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 4 membres. On a mm-hmm. dit, toi Alain, toi aussi Alain, François, qui ne peut pas être nous ce soir, mais il y avait aussi Pierre, ouais. qui était le bassiste. Mm-hmm. Il y a 50 % de Chronicle Disturbance, puis il y a 75 % d'Outrage. C'est assez ironique quand même. La formation a débuté en quelle année exactement? C'est en 87, fin 87. Mais c'est allé tellement rapidement parce qu'il faut savoir qu'on a enregistré deux démos en dedans de quelques mois, là, genre 6 mois. Là. OK. En dedans de 6 mois, on a enregistré deux démos. On était très productifs à l'époque. Et puis, ces démos-là sont devenus l'album. Parce okay. qu'il était quand même d'une bonne qualité. Mm-hmm. Si bien qu'on a été signé à l'époque par un label français, S.A. Boucher. Oui. Qui a sorti l'album, d'abord en vinyle et par la suite en CD. Et on a, une fois que ce disque-là est sorti, nous, on avait commencé à travailler sur un deuxième album qui, sans avoir de contrat avec une compagnie de disques, quoi que ce soit, on a commencé à travailler sur un deuxième disque qui aurait été beaucoup plus ambitieux. OK. À quel niveau? Ben, un genre de thick as a brick metal oui. extrême. Un album complètement conceptuel. Là. Oui, avec une seule pièce très, très, très longue en plusieurs mouvements. OK. Juste, petite question comme ça. Sur la réédition de Foggy Creek, il y a des bonus tracks qui apparaissent dessus oui. qui sont issus de takes qui ont été faits là, en forme de rough mix, si on veut. Est-ce oui. que c'était des pièces qui étaient prédestinées à arriver sur le deuxième album? C'était ça. C'était une longue pièce okay. en plusieurs... vraiment plusieurs mouvements. C'était ça. Ouais. Donc, les gens peuvent avoir une bonne idée de ce qui se préparait en écoutant l'album. Oui, c'est ça. Ben, c'était pas définitif. Non, je comprends. Le texte était loin d'être défini. OK. Écoute, c'était un démo. C'est enregistré dans notre local avec deux micros, là, avec un 4-track. Oui. OK. C'était vraiment, À cette époque-là, c'était ça quand même. Ouais, là. Ouais, quand on faisait des trucs maison, là, c'était pas informatisé comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais l'idée, c'était un peu de reprendre, l'album Close to the Edge de Yes. Mm-hmm. Cette pièce-là, Close to the Edge, a été montée à mesure, hein? Ils savaient pas où ils s'en allaient. Non, c'est vrai. Il y a un gros mode d'improvisation là-dedans. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on essayait de faire, là, à ce moment-là. On a eu un fil conducteur, là, parce qu'on était en train de travailler sur les textes, moi et un de mes amis à l'époque, là, et puis ça emmenait pas mal sophistiqué nos trucs. Là. OK. Oui. Pour distinguer pour les auditeurs, parce que vous portez tous les deux le même prénom, ouais. Ben je vais y aller avec le Rockmaster et Alain. Ça va être plus simple comme ouais, ça. Ouais. Quand je vais parler de Alain, ben ça va être Alain Deslauriers. Ouais. Qui en passant, Alain, c'était le lead guitar. Oui, ça, je me rappelais de ça, effectivement. Oui. Non, mais c'est pour les auditeurs. Non, mais ils veulent pas savoir, eux autres. Dis-moi, Alain, toi, quand il y a eu la dissolution d'Outrage, comme le Rockmaster le disait tout à l'heure, l'approche a été assez rapide là, entre vous deux pour être capable de repartir, de refaire... J'étais comme sur la fin d'Outrage aussi. C'était quoi, les deux dernières années, peut-être? Oui, les deux dernières années. On a enregistré un démo. On avait enregistré un démo à Montréal. Oui. Ouais. Je me souviens bien. Oui, le démo de la porte brisée. Ouais. Ça, c'est mémorable, mais pas pour nous, pour lui. Quand le Rockmaster t'a approché pour te dire, écoute, on part-tu quelque chose d'autre qui va être un peu comme il vient de décrire, toi, quelle était ta vision de la musique à cette époque-là? Ben moi, j'ai surtout écouté du Sabbath, du Ozzy, Slayer, c'est pas mal, mais... Metallica, c'est là-dessus que j'ai appris à jouer de la guitare. C'était un peu ça, là, mon... Mais pas mal de Pink Floyd aussi. Oui. OK, fait que t'avais quand même l'aspect progressif. Mais j'avais appris à jouer, j'écoutais d'autres musiques, mais quand j'ai appris à jouer, moi, c'était Black Sabbath volume 4. Là, OK. Qui est un excellent album, soit dit en passant. Cette façon de concevoir la musique, parce que je connais bien Alain comme toi. Alain a une grande connaissance musicale, puis je vois bien que dans ce qu'il décrit, il y avait effectivement une approche qui était différente. Toi, comment tu voyais ça? Est-ce que tu te sentais à l'aise avec ça ou c'était quelque chose pour toi qui devenait comme nouveau ou inconnu? Ben, c'était peut-être un peu nouveau, mais... c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Là. J'aimais l'idée là, d'avoir des bons sons de guitare et des ambiances. Puis, quelque chose de plus conceptuel. Que j'aimais beaucoup là-dedans. Okay. C'est vraiment là, l'idée de créer. Peu importe ce que tu fais, en autant que ça sonne bien et que tout passe bien, mais c'est intéressant. Là. Assez rapidement, la formation Chronicle Disturbance a commencé à se faire un nom qui a tourné tranquillement pas vite là, comme une espèce d'effet cyclone au Québec. Vous avez été quand même reconnu assez rapidement aussi. On vous a demandé de faire... Vous avez fait plusieurs spectacles, je pense, ensemble. Oui, on a tourné avec des groupes... assez major à l'époque. Ouais, assez intéressant. Là. Oui. Devastation du Texas... Dead Doors aussi du Texas, DBC, on a joué souvent avec Oblivion aussi, Soothsayer. OK. Ouais. Comment était la scène à cette époque-là? À ce point-là? Je te dirais que c'est pas si différent d'aujourd'hui. Ouais. Parce que souvent, les gens ont tendance à idéaliser une époque. Hein, les années 80, c'était le métal. Oui, ils vendaient plus de disques. Puis peut-être qu'il y avait plus de gens intéressés au métal. Mais la scène n'était pas vraiment différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui était... Moi, ce qui m'a baudré là, dans le métal à l'époque, puis qui m'a profondément, je te dirais, démotivé, c'est... Écoute, il y a quelques années, quand j'ai participé à l'émission ici avec. Tu avais invité Chantal. Chantal de Décibel Rock. Oui, de Décibel. Et puis, Jeff Hull Godass était là. Moi, j'avais l'impression que Chronicles avait duré genre. Peut-être un an ou deux maximum. Et là, ils m'ont appris que non, ça avait duré plus longtemps que ça. Ben, que c'est quoi? Je me rappelais pas de. 4 ans facilement. Ben, ouais, et peut-être même 5. Ouais. Et à un moment donné, Jeff parlait d'un spectacle qu'on avait donné, et je pense que c'est le dernier qu'on a donné. C'était dans un festival, je me rappelle même pas si c'était à Plessisville ou Princeville. C'était dans un immense champ, je sais pas si tu t'en souviens. Et puis, ben, ça, c'était cool. Mais à la fin du spectacle, j'étais backstage, et puis là, il y a une gang de filles qui sont venues me parler. Et puis, à un certain moment, m'ont dit est-ce que tu es allé voir Sepultura la semaine dernière? Alors moi, je réponds non, la semaine dernière, je suis allé voir ici. Et là, ils ont tous éclaté de rire, pareil, comme si je venais de dire quelque chose de très, très niaiseux. Là, je les ai regardés, je suis fait comme waouh, que je joue pour un public comme ça, moi? Ouais. J'ai pas envie de jouer pour un public comme ça. Alors, on le voit aujourd'hui, les publics sont très segmentés dans le métal, hein? Oui. Lorsque tu vas voir Opeth, tu as affaire à un public beaucoup plus cérébral que, par exemple, Dayside. Hein? Oui. On l'a vu de façon assez spectaculaire l'année dernière. Hein? Oui. Donc, en faisant une musique un peu plus cérébrale comme ça, je me disais, on va attirer une qualité de crowd. C'est ça. Qui riront pas quand on dit qu'on est allé voir ACDC. Oui, je comprends bien. Donc, c'est pour ça que je te dis que à l'époque, c'était plus mêlé, mais en même mais temps, dans les ans, ouais, dans les deux ans. Ouais. Et c'était pas particulièrement plaisant. Je trouve que le milieu du métal aujourd'hui est plus défini et plus intéressant. Ben, c'est possiblement aussi un avantage parce que tout le monde est capable de facilement cibler ou retrouver son compte sans pour autant. Je pense que les mélanges sont pas toujours bons, hein. Non. Généralement parlant, sociétairement parlant aussi, les mélanges sont peut-être pas toujours bons ou adéquats. Puis peut-être que cette façon de trancher et de catégoriser la musique métal. Puis... Ben, moi, ce qui me baderait encore là par rapport au métal, c'est le conformisme. On en a déjà parlé en ondes. Le conformisme ambiant, là. Les gens qui trippent, là, sur le métal extrême, là, ils veulent rien savoir d'autre chose. Ils sont formés. Ouvert, c'est ça. Et ça, moi, je trouve ça complètement aberrant, là. Et bien souvent, tu vois ces gens-là là, qui écoutent du métal extrême et puis ils reviennent chez eux le soir puis ils écoutent La Voix ou Le Banquier. C'est aberrant, ça, là. Hein, Sinistros? Oui. Hein? Très aberrant. Tu comprends, là? Non, c'est pas mon cas. Je pense qu'Alain va être d'accord avec moi. Il y a un certain poste de télévision quand on était jeune qui était carrément interdit à la maison. Je pense que c'était pareil chez lui, puis c'est toujours le même. C'était CBC. Le même choix. Avant qu'on ait écouté une première pièce, parce qu'on a extrait, en fait, on a choisi, je dis on, c'est principalement Alain Rockmaster qui a choisi ça, 4 pièces qui sont tirées de Foggy Creek. Avant qu'on ait écouté une première pièce, le processus de création de Foggy Creek, des pièces qui ont été retenues pour Foggy Creek, c'est principalement de quelle façon que ça marchait. Surtout les riffs. Ben, la façon qu'on fonctionnait, c'est que Dello, c'est une vraie machine à riffs. Il sortait des riffs là, à la planche. Là, il pouvait en sortir 10 à 15 minutes. Là. Mais ça ne rappelait pas. Et puis là, ça, c'est pas bon. Pis c'est vraiment cool de travailler avec Dello parce que, ah, ça, c'est pas bon. Non. Ah, ça, oui. Alors, on triait là-dedans, là, parmi ce flot de riffs qui déversait. Là. OK. Alors, de cette façon-là, moi, j'étais plus un arrangeur là, à ce niveau-là. C'est vraiment lui, c'est celui qui pondait principalement. Riff, okay. C'est vrai. OK. Ouais. Bon. Est-ce que le reste du travail se faisait complètement en équipe, c'est-à-dire avec les 4 membres, ou il y avait une espèce de forme rare, d'isolement qui se. C'est jamais arrivé que quelqu'un arrive avec une toune toute faite. Non. OK. Non. C'était vraiment un processus, là. Oui, absolument. C'est un processus collectif. C'est ça. Sinon, on ne l'aimait plus, on le fait. Bon. C'est ça. Parce que souvent, les bands, ce qu'ils vont faire, il y en a un, comme tu le disais, qui va amener le riff principal, l'autre va collaborer, mais c'est un travail, des fois, qui est un peu plus, je dirais, à part. Les autres membres du band ont dit, bon, ben voici, c'est ce qu'on va faire, apprenez ça, puis on va le jouer. Il y a des processus qui sont comme ça aussi, là. Mais là, vous me dites que c'était plus un processus. Un établissement qui se fait, puis on collabore autour, puis on y amène chacun nos. Okay. La pression de ces. On se rappelle, on l'a vécu un petit peu ensemble, à la mi-80, la pression des formations métal, principalement, était très forte parce que les groupes qui étaient les heureux élus, qui se faisaient en disquer, qui se faisaient endosser par un étiquette, par un label, devaient se soumettre à des contraintes qui étaient assez excessives, des fois de produire des deux, des trois albums dans une simple année de contrat et pour plusieurs années de contrat, ce qui risquait, puis j'ai toujours le même exemple en tête, Razor, mm-hmm. fait, effectivement, qui se sont brûlés littéralement à sortir des albums à outrance parce qu'on les obligeait à les faire. Ouais. Quand vous avez enregistré Foggy Creek, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il pouvait avoir ce même processus de pression et de dire là, on va sortir notre premier album, il va falloir déjà être prêt pour en prévoir peut-être un puis deux autres? L'autre était à peu près monté à moitié. OK. Oui, c'est ça. Les structures étaient pas mal toutes faites. Mais moi, ça m'a personnellement jamais inquiété parce que quand t'es jeune, là, t'es productif. Ouais, là, ça sort, là. Ça sort, ça coule. Là. Ouais. Et si tu regardes la plupart des groupes, là, les premiers albums sont toujours les meilleurs et par la suite, ça se passe et ça se dégrade. Ça se dilue un peu, oui, effectivement. Oui. Ouais. Ouais. Question, ça donnait une idée. On va écouter une première pièce qui est tirée de Foggy Creek, c'est-à-dire la pièce Crust and Crumbs. C'est parti, go! Monsieur Leblanc, juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur C'est Fou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Tous les dimanches, de 17h à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, Branchez le monde vous présente le meilleur de la musique, de la culture et de l'actualité, tant nationale qu'internationale. Impossible de manquer l'émission, même si votre vie est en danger. Pour mieux vivre et mieux naître, commençons par Connaître ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme de l'UQTR. Connaître ensemble, tous les mercredis de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou. CFOU 89.1. Vous êtes à l'écoute de C'est Fou, 89.1 FM, et plus précisément sur les ondes de l'animation The Undead Incorporated Show. Et nous sommes en compagnie de, oui, lui, là, le gobelin, là. C'est Nistros, hein? Il me pointe en plus. C'est comme si tout le monde le voyait. Lui, là. Lui à côté, là. Quoi, il nous voit pas? Je me sens du marché pour rien. Oui. Et de deux membres de Chronicle Disturbance, Rockmaster Alain Lefebvre et M. Alain Delaurier. On vient d'entendre quelle pièce, mon cher? Ben, ça, c'était notre succès, vraiment, là. C'est vraiment notre hit, hein? Crossed and Crumb. C'était la pièce qui passait régulièrement on air? Oui, tout à fait. Okay. C'est vraiment notre succès. Ben, oublie pas qu'à l'époque, ces GB existaient. Crossed and Crumbs. C'est une bonne pièce. Oui. C'est un texte de Toto. François Richard. Ah oui? OK. D'ailleurs, ça m'amène une question. Qui composait principalement les lyrics de Chronicle? Ben, dans les débuts, c'était pas mal François, mais vers la fin, c'était pas rendu pas mal, juste moi. OK. Ouais. Les thématiques des pièces parlaient principalement de quoi? Ben, écoute, c'était plus social, je te dirais. Puis, on était jeunes, alors on avait peut-être une petite tendance à faire la morale, ce qui, je referais pas aujourd'hui. Morale dans quel sens? Ben, tu sais, on chialait contre... Brosse tes dents, lève tes oreilles, va te coucher, non? On disait qu'on chialait contre ce qui nous déplaisait. OK. C'est un petit côté punk rock, là. OK. Des moments qui sont saillants dans votre participation dans la carrière que vous avez eue avec Chronicle Disturbance, des moments saillants, mais qui ne sont pas nécessairement positifs, puis en avoir des négatifs. Il y a des choses qui sont ressorties, qui sont des souvenirs indélébiles. Ben moi, je te dirais que les plus trippants pour moi, là, c'est les fois qu'on a joué au Fofone électrique. OK. Ouais, ça, j'aimais ça, jouer au Fofone électrique. Ouais. Vous avez joué souvent? Ouais, ben, c'était le fun. Vous avez joué régulièrement? Bon, ouais. Ben, ouais. Quelques reprises, je me rappelle pas. Bon, au moins une fois. Puis jouer avec Oblivion aussi, c'était trippant. Ouais, c'est des chic types, ça. Mm-hmm. Ouais. Toi, Alain? Ouais, mais moi, quand un moment donné, on avait joué avec le band du Texas, là. Devastation? Ouais. Il y avait des. Quand le band avait parti, là, c'était vraiment. Là, c'était pas mal notre première, je te dirais. Moi, dans mon cas, là, c'était mon introduction au death metal. Okay. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça, ni vu quelque chose comme ça. C'était vraiment impressionnant. Ça t'a pas plus accroché à l'époque? Non, pas du tout. Hein? Non. Non, c'est parce que moi, ma conception de la musique est à des années-lumière de ça. C'est-à-dire, moi, j'étais un amateur de rock progressif, puis de trucs vraiment... un petit peu plus songé. Mélodique et songé. C'est, ouais. Bien, c'est super important pour moi. Okay. C'est pour ça que je te dis, bon, on avait un petit côté chialeux pour ce qui est des textes de Chronicle, mais on avait des côtés aussi science-fiction, là. La pièce Starless, là, c'est faux de science-fiction. Bien, qu'on va entendre tout à l'heure. Le titre Foggy Creek, parce que si on prend la pochette, là, belle pochette d'ailleurs, là, c'est très fantomatique. C'est ça sort de quoi? Ben, ça sort de quoi? C'est en fait Dello a composé cette pièce-là en majorité. Là, je pense qu'on l'a composé en une soirée. Là, dans le local, les riffs débordaient, se déversaient de ses doigts. et puis moi, j'avais juste à les placer. Puis là, en écoutant ça, ça me rappelait... ça l'évoquait des films de pirates et puis de cavernes sombres et de baies brumeuses. C'était ça. OK. Exactement. Et on voit ici quel personnage légèrement dérangé. Oui, absolument. Et c'est en décrivant justement ces visions que j'avais que l'artiste Jean-Isabelle a conçu la pochette. Oui. C'est un beau travail d'ailleurs. Oui, vraiment fantastique. Toi, Alain, tu joues toujours de la musique. Oui. Aujourd'hui, quand tu écoutes Chronicle Disturbance, par rapport à ce que tu joues aujourd'hui, puis j'ai aucune idée de ce que tu fais, puis je m'en fous dans la 40, là, c'est pas... je sais à peu près ce que tu joues. Quand tu écoutes Chronicle, avec ce que tu as fait à l'époque par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que, comment je pourrais dire, qui serait motivant pour toi de dire, je reprends un peu cet esprit-là, je le remanie? Ben, moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé faire de la musique. Fait que c'est des affaires qu'on a fait, qu'on a créées quand on était petit cul, en fin de compte. Oui, absolument. T'as des kids. On avait 20 ans, 22 ans. Fait qu'on n'était pas très vieux. Puis aujourd'hui, moi, je les réécoute des fois, puis je me dis, crème, il y a des affaires bien pires que ça dans la vie. non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je trouve ça encore très bon, tu sais. Mais c'est sûr que c'est nous autres qui l'a fait. T'as-tu un regard qui est très, très sévère envers ce que tu as fait comme travail là-dessus? Ou tu dis, non, je me replace dans le contexte? Ben, moi, je me replace dans le contexte parce que, tu sais, c'est des démos qu'on a enregistrées dans une journée et demie, deux jours. Ouais. C'était pas comme aujourd'hui du tout, là, en studio, là. Ah non, on n'a pas passé grand temps en studio. Non, là. T'arrivais là le samedi matin, puis le dimanche soir, tu repartais avec ton CD. Oui. Là, même pas ton CD, que ta cassette. Effectivement, c'était le cas. Mais les pièces qui ont toutes été enregistrées, qui ont été retenues pour Froggy Creek, tu disais tout à l'heure que c'était des pièces qui étaient issues de démos. C'est ça? Ben, en fait, c'est ça. C'est que le premier démo, donc les pièces Prejudice, Open Season, Dr. Death et j'ai oublié l'autre. Je ne souviens plus. Ben, attendez un petit peu. Ça, c'est enregistré en deux jours. Ouais. Et ensuite, on est retourné en studio pendant trois jours à l'automne 88. Et par hasard, on parle encore de Foggy. Là. Pendant ces trois journées-là, on est rentré en studio le vendredi après-midi. On est sorti dimanche soir, comme Dello le raconte. Là. Et pendant ces trois jours-là, c'était tellement... Il y avait tellement de brouillard là, ici en ville là, qu'on avait de la difficulté à circuler en voiture. Là. Vraiment. Ah oui? Oui. Ben, c'était inspirant. Oui, tout à fait. C'était à quel studio? Au Saint-Denis. Oui, il faisait un bon travail. Là. Super bon travail. Ouais. C'est Régent Bouchard qui s'est enregistré. Oui, Régent, c'est un chic type. Oui, absolument. Il nous appelait ces métalleux. Oui, Régent était issu d'un autre style. Ben, c'est parce qu'on était aussi, faut, on se remet à l'époque, on était pas mal les premiers là, à faire ça. Là. Génétique aussi, dans la région. Qui sont arrivés un petit peu après. Ouais. Ouais. Parce que le premier groupe de métal qu'il y a jamais eu à Trois-Rivières, c'est Hot Ridge. Oui, puis je me rappelle qu'il avait trouvé ça un peu pénible au début. Là. mais comme c'était un bon gars qui s'adaptait rapidement, ça avait bien. C'est sûr, c'est quelqu'un qui venait du milieu, c'est plus folk. Là, nous autres, on débarquait avec notre musique à 200 000 à l'heure. Faut de distorsion, là. Ça peut être assez pénible et traumatisant pour quelqu'un. Oui, je pourrais le comprendre aisément, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, ça? C'est-tu quelque chose pour lequel vous avez une forme de nostalgie? C'est-tu quelque chose qui, pour vous autres, serait à refaire un jour? Personnellement, non. Non? Non. Parce que... Non, pourquoi je te pose la question, toi? On savait toute la réponse. Tu me l'as posé. Merci pour les auditeurs. Écoute, lorsque je racontais tout à l'heure, tu sais, que j'avais été quand même un peu... Estomaqué, traumatisé, le mot beaucoup trop fort, mais stupéfait de parler avec du monde après le spectacle qu'on venait de donner. Et de voir que les gens ont été aussi fermés, ça allait à l'encontre de ce que je suis, moi. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'écoute de la musique et que je m'intéresse à plein de trucs. Alors moi, j'ai pas commencé à écouter de la musique quand Slayer sont arrivés. J'ai écouté Beatles, j'ai écouté Allman Brothers Band, Genesis, Pink Floyd. J'ai grandi en écoutant plein de sortes de musique. Mm-hmm. Alors, j'ai quand même une culture musicale assez large. Et de la confiner juste dans le speed metal... Tu te sentais à l'étroit? Ouais. OK. Puis pas à ma place. C'est pour ça que lorsque le groupe s'est séparé. Je suis allé faire du classic rock, du rock progressif pendant quelques années. Alain, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu referais? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais pouvoir un jour remettre sur pied d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou l'autre? Ben, moi, c'est non. Non, oui, non. Ben là, fais-toi une idée, là. Écoute, c'est. Je te dirais oui, j'aurais aimé ça, tu sais, mais il aurait fallu que tout le monde embarque dans ça. Tu sais, si tu peux pas refaire ce que toute la gang d'avant, tu sais, ça reste plus un petit rêve, là, tu sais. OK. Mais, juste le fait, moi, jouer de la musique, là, je joue avec un autre groupe présentement, puis, ouais. Tu sais, on a du fun, là. Puis, Est-ce que tu as tendance à transposer un peu dans ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais à l'époque avec Chronicle? Non, du tout. Non? Parce qu'aujourd'hui, on fait juste du cover. OK. Je du cover. OK. Ouais. Vous pourriez faire des covers de Chronicle. On va aller écouter deux pièces qui sont en fait indissociables l'une de l'autre, dont la longue pièce conceptuelle Starless. Mais tout de suite, on va débuter avec Sordid End. Et puis, on en a pour au moins quelques heures, donc on reviendra la semaine prochaine. I'm there. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,80 $ de 11 à 14 heures. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Voici un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Voici un comédien de la Ligue d'improvisation mauricienne jouant un footballeur durant le match du Super Bowl. Ready! Ready! Hot! Hot! Vous avez noté une différence? C'est parce qu'à la Ligue d'improvisation mauricienne, c'est plus vrai que vrai. Spectacle d'improvisation tous les mardis 20h à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Seulement 5 $ pour étudiants. Retrouvez-nous sur Facebook pour l'horaire complet de nos matchs. Radar Jeunesse, une émission animée par des jeunes du secondaire qui trippent à faire de la radio. Joins-toi à nous, écoute Radar Jeunesse tous les samedis de 9h à 10h sur les ondes de C'est fou. C'est fou. 89.1. ...20h53, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et ce soir, nous sommes entourés de deux invités de marque, mais sans nom. On a tous les deux le même nom. Oui, c'est un peu mélangeant. D'ailleurs, lorsque je m'adresse à vous, je ne sais pas à qui parler. Donc, c'est pas la stéréo. Oui, c'est ça, je vais mettre le micro entre les deux. Là. On vient d'entendre quelle pièce, chers amis? Ah, ben ça, je te dirais que c'est probablement, à mon avis, là, à mon goût, à moi, c'est notre chef-d'œuvre. Qui est? Starless. Longue pièce conceptuelle. Oui. Qui était précédée? De Sordid End. Effectivement. Pièce instrumentale, mais avec un spoken word à la fin assez apocalyptique et. Je donne juste des mauvaises nouvelles. Oui, c'est ça. Mais finalement, cet album-là, là, vous ne devriez pas vous le procurer. Vous allez tomber sur une déprime phénoménale. Mais c'est ça du métal, hein. C'est supposé d'être. C'est porteur de mauvaises nouvelles. Là, oui, exactement. Puis ça nous rend heureux, hein. Oui, c'est assez ironique, effectivement. Ça fait 23 ans que cet album-là est paru initialement. À l'époque, sur S.A. Boucher, quelle avait été la distribution? Comment ça avait été? Est-ce que c'était disponible assez facilement? En Europe. En Europe uniquement? Oui. C'était en importation. Oui. C'était en importation aussi. Quand même ironique. Et c'est pour ça qu'on avait plus de retours de pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, que du Canada. Ben oui, j'imagine. Quand ils disent que nul n'est prophète en son pays, c'est le cas de le dire. Oui. Justement, ça m'amène à une autre question. L'exposure que vous aviez à l'époque, c'était principalement à quel niveau? Ça se passait comment? Est-ce que vous aviez... Là, tu me parles que c'était principalement en Europe. Là. Oui. Mais est-ce qu'il y avait quand même des échos qui se passaient ici, en Amérique? Oui, mais c'était très underground. Très underground. Et Boucher voulait qu'on aille jouer en Europe. Je ne sais pas pourquoi on est jamais allé. Je voulais y aller où? Hein? On aurait dû y aller, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est probablement parce que Delio ne voulait pas se faire autant de sandwich que ça pour partir longtemps. Mais non, on n'est jamais allé. Mais il nous l'a demandé à plusieurs reprises. Ouais, vous avez dit, si vous descendez, je vous fais virer. Oui. Je vous fais virer d'un bord à l'autre. Ouais, de toute façon, le métal a toujours mieux marché en Europe qu'ici. Ouais. Là. Ouais, même si les gens pensent que dans les années 80, tout le monde écoutait du métal, là, non, c'est pas vrai. Là. Ouais. Puis c'était pas si gros que ça, là, le milieu métal. C'est toujours resté underground, marginal. Mais ça suppose que... Et c'est encore plus marginal, parce que nous autres, on est arrivé avec de quoi? Là, ça a l'air de rien, t'écoutes ça 23 ans plus tard, là. Puis c'est déjà entendu. Mais à l'époque, là, le monde commençait à découvrir Iron Maiden. Là. Puis nous autres, on leur pitchait là, du speed metal progressif. Là. C'était trop pour c'était les gens. C'était déconcertant, oui, effectivement. Mais si ils voulaient... S.A. Boucher, vous voulez... je connais pas le nom du, de la personne contact, là, je sais pas, là, mais Alexandre Boucher. Alexandre Boucher voulait vous faire jouer en Europe, c'est parce que j'imagine que lui savait qu'il y avait déjà un bon mood là-bas. Oui. Ben oui, absolument. Mais ça, en aviez-vous des échos de ça? Par des fanzines, des trucs comme ça? Oui, absolument. On recevait des lettres. Hein, puis, Des lettres de menace. Venez jamais ici, vous autres. Non, parce que c'est ça qui était le fun. Ouais. C'est que on recevait, tu sais, on avait des réactions. Écoute, là, c'était bien avant Internet, là. Alors, c'était, tout se passait par le courrier, tout se passait par des cassettes. Et puis, on avait pas mal de réactions. Ça, c'était cool, là. Mais à l'époque. On avait un article d'une revue chinoise ou je sais pas quoi. Japonaise. Japonaise. Ouais. C'était tout écrit en japonais. Puis, écoute, tu voyais ton nom. Après ça. Avec la photo. C'est ça. Parce qu'il y avait des fanzines, il y en avait partout dans le monde. Alors, tu sais, on faisait parler de Chronicle, tu sais, à des endroits qu'on n'a jamais vus et qu'on verra probablement jamais. Que vous soupçonnez même pas qu'ils existaient. Exactement. Oui. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à l'époque, il y avait énormément de fanzines qui se faisaient, qui étaient plus ou moins underground, qui avec plus ou moins grand tirage, mais il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup. Oui. Puis, je pense que ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est que ces rédacteurs-là, ces propriétaires-là de fanzines, creusaient beaucoup plus. Oui. Mais c'était des passionnés. C'était des passionnés, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça fanzine. Hein? Oui, c'est ça. Par des fans. Mais il y avait un aspect qui était beaucoup moins marketing qu'aujourd'hui. Et puis, je pense que ces journalistes-là, puis on l'a comme ça, cherchaient pour aller trouver la petite formation quelque part pour la faire montrer aux autres. Regardez, j'ai trouvé ça, c'est bon, écoutez ça. Ce qui était plaisant là, par rapport à ça, là, c'est qu'une fois que tu étais rendu dans le réseau, si on veut, là, ça te permettait de découvrir plein de choses. Ben, d'avoir accès à plein de trucs. Et puis, écoute, là, nous, on a entendu Raining Blood de Slayer là, bien avant qu'ils sortent là, officiellement là, sur album. Là. Oui. Effectivement. C'est des mois et des mois avant. Là. Ben, même avant qu'il enregistre, je pense. Il commençait à y passer. Il y a eu un événement qui a été quand même assez marquant pour vous autres, qui a été aussi très malheureux dans la période de Chronicle Disturbance, qui est un incendie. Oui. Qui a quand même été marquant dans l'histoire du band. C'était à la fin du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On louait un local au centre-ville. Beau local. On avait commencé à enregistrer l'album. C'est là qu'on avait enregistré. Et puis, les démos là, de ce qu'on souhaitait qui deviendrait le deuxième album. Et puis, à un moment donné, une nuit, François m'a appelé. Il est en train de pratiquer très tard. Il pratiquait très la nuit. La batterie, il en avait l'occasion puisqu'il n'y avait pas de voisin. Hein. Et il m'appelle. Je travaillais le lendemain. Puis il me dit, le feu est pris. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça nécessite que je me lève et puis que j'y aille? Mais pas pour des manchots, pas vraiment. Matin. Non, mais tu sais, ben là, je veux pas t'alarmer, là, mais il y a quand même pas mal de camions de pompiers. Hein. Donc, tu t'es en train de me dire que je devrais y aller. Moi, je pense que oui. Alors, OK, je vais y aller voir ça. Et quand je suis arrivé sur l'autoroute, puis j'ai vu le feu, j'en revenais pas. C'était vraiment majeur. Là. Dans le fond, c'était un édifice commercial sur la rue des Forges. Un espace. Qui était une espèce de. C'est ça. Qui était les terrasses du Platon, je pense. C'est ça. Qui était une espèce. Les terrasses du Platon. Et puis ça, ça a tout flambé. Hein. Ouais. J'imagine que vous avez perdu quand même. J'ai réussi à sauver ma l'espace 72. Là. Ce qui n'est pas rien. Mais j'ai perdu mon Marshall Double Stack. Puis ça, ce Marshall-là, là, il était écœurant. Hein. Il n'y avait aucun ampli qui sonnait de même. J'ai plus jamais entendu ça, un son comme ça. Toi, Alain, est-ce que tu avais perdu de l'équipement? Non, parce que moi, j'ai dans notre malchance. Son stock était sur le bord. Mon stock était sur le bord de la porte, puis lui, il était comme dans le fond du local. Ouais, fait que quand ils ont commencé à aller chercher le stock, il était trop tard. Ils ont ramassé tout ce qu'il y avait sur le bord. Fait que moi, j'ai perdu du filage, des pédales, des micros, des choses comme ça, mais le principal. Les câbles Marshall, les amplis, moi, ça a tout sorti. OK. Tu disais. François a perdu sa batterie au complet. Ah oui? Oui. Oh, ça, c'est pas évident. Hein? Ouais. C'est pas non, évident. Non, c'était le coup de mort. Parce que quand t'as cet âge-là, t'as beau être passionné, t'as quand même pas nécessairement les moyens pour remplacer ça le lendemain matin. Puis repartir comme si t'as rien passé. Là. Surtout des assurances pour point de vue instrument, c'est assez dispendieux. C'est inexistant à peu près. Ça existe, mais c'est ça. Tu disais, Alain, parce que c'est ton nom finalement. Hein? Oui. Alain Rockmaster. Aussi, oui. Oui. Mm-hmm. Tu disais que c'était la fin de Chronicle Disturbance, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que le band était déjà dû pour avoir une séparation ou c'était simplement l'élément déclencheur? C'est quoi? Ben, ça a été l'élément déclencheur, ouais. Je pense. Parce qu'à un moment donné, tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Là, ça stagnait. Puis, c'est ça. T'es rendu à 23, 24 ans. C'est ça. Puis là, ça n'avance pas. Mm. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'était quelques semaines avant qu'on avait donné ce spectacle-là. Là, dans le champ à Princeville, Plessisville, je me rappelle pas du nom, là. Moi, ça avait été un choc, là. Oui. Vraiment, pour moi, assez pour me décourager de faire du métal. À ce point-là? Oui, vraiment. OK. Oh, absolument. Parce que je concevais pas ça comme ça. Il me semble que la musique, c'est quelque chose qui... c'est une des plus belles choses, en tout cas pour moi, dans la vie, c'est une des plus belles choses que j'ai. C'est important, effectivement. Et puis, de s'emprisonner à faire des trucs vraiment limités, pour plaire une certaine éthique qui, moi, me déplaît, non. Moi, ça m'avait vraiment... Ça m'a du courageux. Ce qui veut dire que si cet incendie-là s'était pas produit, d'une façon ou d'une autre, peut-être que vous auriez décidé éventuellement de prendre chacun une tangente différente. Là. Ben, il faut savoir, par exemple, que je finis toujours ce que je commence. Alors, c'est sûr que j'aurais fini le travail sur le deuxième album. Là, on aurait vu après ça. OK. Mais l'incendie, je te dirais, et la mauvaise expérience ont culminé pour moi vers un désintéressement. Parce qu'il y avait aussi, on avait le contrat avec Roadrunner. Non, Roadrunner, ça, c'était avec Outrage. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Nous autres, on avait été approchés par Maze. OK. Chronicle Disturbance. OK, oui, oui. Oui. Sauf que là, c'est ça. C'était coup de grâce. Mm. Oui. Je te dirais que c'est un mélange des deux. La bad luck de l'incendie. Mm-hmm. Et puis, l'écœurantite aiguë provoquée plus par... Plus ça aussi, l'écœurantite de, ouais. De stagner un peu aussi. Okay. Puis de... Est-ce que vous en conservez aujourd'hui une certaine amertume, un goût amer de cette fin-là abrupte, ou est-ce que pour vous autres, c'est encore des beaux souvenirs? Pour moi, c'est des beaux souvenirs. Oui, ouais, c'est ouais, des beaux souvenirs. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, à part les deux expériences dont je viens de parler. Oui, ouais, OK. Ça veut dire que c'était assez pour moi. Mm. Okay. C'était assez pour moi. Parce que toi, par la suite, tu as continué musicalement. Oui. Tu t'es dirigé vers ce qui était, et encore aujourd'hui, probablement... Tes racines, oui. Le classic rock. Oui. T'as monté une formation qui, initialement, s'est appelée Baron Samedi, qui est devenue Living Room, oui. qui a roulé quand même pendant plusieurs oui. années. Puis avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Toi, Alain, qu'est-ce que t'as fait par la suite? Moi, quand Chronicle a arrêté, j'ai pas retouché une guitare pendant 17 ans de temps. Pendant 17 ans? Oui. C'est vrai que ça paraît un peu. J'ai tout vendu. Moi, j'ai tourné la page, puis okay. J'ai dit, regarde, on va travailler au lieu de... Ben, est-ce qu'on fait autre chose? C'est ça, on fait d'autres choses. Ouais, c'est moi, je faisais ça, puis on n'avait rien d'autre dans la vie que ça. Tu sais, on avait tous des job-ins, puis on faisait de la musique, mais à un moment donné... Si on fait plus de musique, on va travailler. Là, tu sais, à un moment donné. T'as parti ta compagnie à ouais, travers j'ai acheté, ça. J'ai acheté une petite compagnie. Puis, qui semble aller bien aujourd'hui ouais, aussi. Ça va là. Très bien, oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait que 17 ans plus tard, tu décides de te rééquiper, de reprendre la guitare, puis aujourd'hui, d'avoir un band? C'était en 2007. On a arrêté en 90, nous autres? 90, 91, donc ouais, je dirais même 92. Ouais, ben, moi je crois que c'est 94. Hein, Non, en 94, ça faisait un bout de temps, j'étais okay. avec ben, c'est, ça doit être 92. J'ai peut-être mal vu, me semble, sur Metal Archives, c'est quelque chose comme ça. Là. Je pourrais le vérifier. Là, ouais. Mais... Moi, c'est André Lachance avec un Marc-André Fortin qui m'avait dit. Le génétique. Qui m'avait dit il vient jamais avec nous autres de là, il dit. Tu sais, ce serait le fun. Mm-hmm. On fait ça pour le fun dans la cave chez nous. Mm-hmm. J'étais parti, j'étais allé chez Urgent Content, je m'étais racheté une guitare et un ampli. Pour aller jammer. Juste pour le fun, oui, pour aller jammer avec eux autres. Ouais. Puis là, ça a dégénéré après ça. Là, la piqûre est revenue. Oui, ouais, ça tranquillement pas vite. Puis, là, aujourd'hui, on fait tous des vieux succès du métal là, des années 80. Puis, tous des vieux succès qu'on écoutait quand on était jeune. Là, puis t'aimes ça. Ah oui, oui. Puis tu fais des spectacles? À l'occasion, oui. Ouais. On en fait... OK. Ouais. Allez, il faudrait que tu viennes nous informer de ça, qu'on puisse les annoncer, là. On va t'annoncer ça, mais que... très bientôt. Ah oui, ah, ouais. Ouais, ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est des beaux souvenirs? Oui. Bon, absolument. C'est une belle époque de votre vie qui a été quand même marquant parce que moi, je sais que... en faisant de la radio métal, j'entends plein de choses, je suis en communication avec différentes personnes, puis les gens, généralement, ont un excellent souvenir de Chronicle Disturbance, et ça sert énormément de référence pour l'époque aussi, ce groupe-là. Pour des raisons qui sont assez évidentes aussi, parce que c'était une bonne qualité de musique, c'était original, c'était avant-gardiste aussi, c'était audacieux, faut le dire quand même, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Alain, c'était peut-être un petit peu en avant de son temps. Absolument. Mais c'est les choses qui sont souvent en avant de son temps qu'on retient le plus longtemps aussi. Donc, je pense que je le disais dans la présentation que j'ai fait pour le site de C'est fou, je pense que c'est un bel héritage que vous avez laissé. Et je dois dire à notre ami Eric Galli, c'est une excellente idée qu'il y a eu de le rééditer, de nous offrir cet album-là, remasterisé avec des bonus tracks dessus, de le rendre disponible parce que je suis certain qu'à quelque part, pis on s'en rend compte, hein. Puis je pense que Sinistros, Alain et moi, on est d'accord pour dire que les générations qui nous suivent, qui s'intéressent au métal, s'intéressent de plus en plus à ce qui s'est fait à l'époque. Hein. Ils sont très curieux d'aller écouter le heavy metal. Aux sources, dans le fond. Oui, c'est ça, normal. C'est comme nous autres qui écoutons du rock and roll des années 50. Ben, c'est ça. Donc, c'est une bonne chose. C'est rien ne se crée, rien ne se perd. Dans l'état des dictons. Donc, probablement que les plus jeunes d'entre nous vont pouvoir redécouvrir cet album-là puis de dire, hey, il se faisait des bonnes choses en région aussi. Puis, tu sais, un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu. C'est à un certain moment donné, je me rappelle pas dans quel magazine de métal québécois, je sais pas si c'était Sans Frais ou Arsenic, il y avait une entrevue avec Chantal Lemire. Moi, je l'avais pas vue depuis des années, Chantal, parce qu'elle nous interviewait souvent, elle nous recevait à la radio, et puis elle venait voir nos spectacles. Et on lui posait des questions sur la scène métal des années 80, et j'avais été extrêmement surpris quand ma blonde m'a montré ça. Quand on lui a demandé quels sont des bons souvenirs de la scène métal des années 80, puis elle a dit Chronicle Disturbance, pour elle, ça avait été un groupe incroyablement marquant. Ah oui? Oui. Mais c'est le fun à entendre, ça. Oui, vraiment. Cool. Chronicle Disturbance, c'était Alain Lefebvre, Alain Deslauriers, François Richard et Pierre Delorme, qui ne sont pas avec nous malheureusement, mais c'est pas grave, on les salue bien bas. Messieurs, je vous remercie énormément de vous être joints à Réanimation pour cette présentation-là. On va se quitter avec une dernière pièce. Ouais. Qui est une pièce qui, j'aime beaucoup le titre, qui s'intitule Dr. Death, Go! We'll be right back. Dr. Death. Ouais. Où est Dr. Death? Personnage caricatural. T'as remarqué aussi que c'est une instrumentale? Effectivement. Mais j'ai une belle image, moi, de ça, de mental. Oui. J'ai une très belle image, comme plein d'autres choses. Moi, je l'ai devant moi, l'image que je te regarde. C'est pas une image, c'est un bonhomme. C'est tiré de l'album Foggy Creek, et comme je vous le disais, c'est disponible. Peut-être qu'il y a une façon de se procurer les albums. L'album Foggy Creek, est-ce que c'est via le web de Galley Records? Oui, exactement. Okay. C'est disponible aussi sur iTunes. Ouais. OK. Ouais. Oh, excuse-moi, Alain, je t'ai oublié de te rallumer. Qu'est-ce que tu disais, donc? Hey, on pourrait peut-être en faire tirer. Ben absolument. Mmh. Absolument. C'est pas compliqué. On va repartir musicalement bientôt avec les derniers choix de la soirée du Rockmaster. Ouais. Du moment que la musique va commencer, parce que vous comprenez qu'on répond pas au téléphone quand on parle, c'est impoli. On fait tirer un album de Chronicle Disturbance, Foggy Creek, version 2013, évidemment, ouais, au numéro suivant. 376-5184. Premier appel, ça mérite un album de Chronicle Disturbance, Foggy Creek. Et on répète le numéro, s'il vous plaît. Dans le 819, le 376-5184. Merci, non, monsieur. 5183. Ben oui, 3. Dans le studio, c'est 5183. Ouais, parce qu'il va appeler au bureau. Ben oui, exactement. Bon. 819-376-5183. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Delory. Ça m'a fait plaisir. Ça fut plaisant de te revoir. Bien entendu. Non, parce qu'on a des bons souvenirs. Ben oui, mais c'est un bon garçon. Oui. Oui. En tout cas, on pense, là. Mais ça en était un à l'époque. C'était vraiment le fun. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. C'était maintenant, c'est juste un garçon. Rockmaster. Oui. Si tu avais fait de la musique aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi? Ben, ça ressemblerait. Parce que moi, j'ai jamais arrêté de faire de la musique dans le sens où, oui, je ne joue plus d'un instrument maintenant. Professionnellement parlant, mais je suis encore dans la musique. J'ai toujours été dans la musique. Mais si tu avais joué de la musique. Si j'avais joué de la musique, ben, ce que je ferais, ce que j'ambitionnais de faire, ben, c'est ce qu'on va entendre dans les prochains dans le prochain bloc. D'accord. C'est-à-dire que c'est une musique progressive, mais extrême, et surtout très cérébrale. D'accord. Okay? Et avant-gardiste, encore une fois, hein, on va entendre du Saig. Okay? Ben, c'est pas bon, ça, voyons donc. On va entendre un extrait de... Écoute, moi, là, je constate que c'est tout simplement un des meilleurs albums de métal qui est sorti de toute l'histoire. L'album Imaginary Soundscape. Ouais, c'est pas mal le meilleur. Ouais. Ouais. On va aussi entendre ce qui est un de mes groupes préférés, Enslaved. Mm-hmm. Hein, du Enslaved, là, c'était un peu comme si Pink Floyd avait perdu l'esprit là, pendant qu'ils enregistraient Middle, là, ben, ça aurait donné Enslaved. Okay? D'accord. Mais tout de suite, on va y aller avec pas mal mon. Oui, c'est mon groupe metal préféré de tous les temps. Opeth. Ah, ce sont des spectacles extraordinaires. Oh oui, on aime Mike Akerfeld. Absolument. Eh bien, écoutez, Opeth, la pièce de Drapery Falls. C'est parti. takes me back to the day. The silence of your seclusion brings night into all you say. the ground below, like autumn leaves left in the wake to fade away. Waking up to your sound again, lapse into the ways of misery. same old, same! We'll be right back. Hey, tu nous as ramené à l'époque de jeunesse d'aujourd'hui, toi? Ah, c'était Starsky & Hutch. Mais non, c'était du métal avant-gardiste. Il s'agit de la formation japonaise Saig. Connaissez ça? Ben, possiblement, c'est leur meilleur album, celui-là. Ben, moi, je trouve. Ben, écoute, je l'ai dit. Je crois que les deux derniers sont très, très bons aussi. Là, mais ben, surtout le dernier. Oui. Mais, comme je l'ai dit d'emblée, pour moi, Imaginary Soundscape, qui est sorti en 2001, c'est tout simplement un des meilleurs albums de métal de tous les temps. Parce que ça c'est vraiment. C'est craqué, là. C'est varié. C'est du power, du funk, comme du power. Du jazz, et puis, oui. Oui. Boring. Puis ça reste avec une voix black metal. T'aimes pas ça? J'aime pas ça. J'ai cet album-là, hein. Puis j'aime pas ça. J'ai essayé autant comme autant, ça l'a pas embarqué. Ah, mais toi, ça n'a rien. Fait ben, il y a ça aussi. Mais c'est peut-être, écoute, je le redis pour la centième fois, ça a fait la même chose avec Gorgoth, ça a pris 10 ans avant que ça embarque. Ouais, peut-être. Mais moi, je peux te dire, je l'ai écouté des centaines de fois, mais dès la première fois. Donc, vous aussi, ça l'a tout de suite. J'avais acheté cet album-là, je sais pas sous qui, le conseil de qui ou de quoi, là, puis finalement... Ouais. Non, parce que tu m'aurais probablement pas parlé de cette bande-là, sachant que j'avais des tendances à pas aimer ce qui pouvait tirer un peu sur une tendance black. Ouais, mais c'est ça, le vocal, il est black. Ouais. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Puis probablement quelqu'un m'a compté une menterie, m'a dit que c'était exactement pas ça. Fait que je l'ai acheté, puis je dis, c'est pas ça. C'est pas moi. Non. C'est pas moi. Avant ça, on a entendu un de mes groupes préférés, qui assez méconnu ici au Québec. Hein. Oui. Je les ai vus à quelques reprises en spectacle. Il y a jamais grand monde lorsqu'Enslave joue. Pourtant, je considère que c'est peut-être le meilleur band live de métal. Ah oui? En 2013, oui. Ils sont vraiment hallucinants. Ils sont très, très bons. C'est Enslaved. Et on a entendu un de leurs gros canons, un de leurs classiques, Heavenless, qui vient de l'album Below the Lights de 2003. Et au début du bloc, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu Opeth. Ben oui. Avec la pièce de Drapery Falls tirée de leur album Blackwater Park de 2001. Moi, je les ai découverts avec cet album-là. Moi aussi. Moi aussi. Et après ça, j'ai découvert les autres à rebours. Ouais. Après ça, j'ai reculé. J'ai reculé jusqu'à Orchid. Et puis quand j'ai entendu Blackwater Park, j'ai été stupéfait parce que je me suis dit, c'est exactement le genre de musique que je ferais aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ce que j'ai toujours voulu entendre comme musique. Et là, ben, Opeth, c'est exactement ce qu'ils font. Pis cet album-là, c'est un chef-d'œuvre. Ah, absolument. Et Mark Akerfeld est quelqu'un de tout à fait fantastique à tous les points de vue de ce qu'on connaît de lui. Mm-hmm. Un petit rigolo. Oui, c'est un génie de composition. Puis c'est un gars qui a beaucoup de charisme sur scène aussi. Et il attire un public conséquent à ça. C'est-à-dire le public de Opeth ou d'Enslave est très cérébral. Là. C'est pas des farces. Là. Il y a quelques années, je suis allé voir Enslave là, à Québec. Là, et puis, entre les sept, là, il y avait un étudiant en fin de session là, qui faisait son devoir de session de physique. Là. Tu verras pas ça à Dayside. Là. Non, ça m'étonnerait. Pour différentes raisons. Oui. Entre autres, celle-ci, celle-là. Oui, celle-là aussi, t'as oublié. Ah, c'était pas mal fun, ça. Hey, je vous rappelle que c'est la dernière édition de Réanimation pour 2013. Nous serons de retour mardi 7 janvier prochain pour la Retro Undead, qui devrait, ma foi, être peut-être plus, je dirais, garnie qu'on l'aurait fait. Elle devrait peut-être, au moins, sur deux épisodes. Possiblement. Vu qu'on descend d'une heure des émissions conventionnelles. Oui, c'est ça. Vous descendez d'une heure, là, vous allez faire deux heures. C'est-tu parce qu'il y a moins de bonne musique qui s'est faite en 2013? Non, c'est parce qu'il y a moins d'auditeurs. Nous autres, on y va au nombre d'auditeurs. On avait trois auditeurs, on est rendu à deux. On va à deux heures. non, c'est pour des raisons de santé mentale. OK. Mmh. Oui. Dépasser 3 heures, dépasser 2 heures, je commence à être dangereux dans ce que je dis. Oui. D'ailleurs, c'est le cas, là. Non. je vous invite aussi à écouter vendredi, c'est la dernière édition de Rock Classic pour 2013. Mmh. T'as 3e partie de rétrospective. Oui, c'est ça. On va couvrir les mois de septembre à décembre. Effectivement. Et il y a plein de bonnes choses qui ont sorti. Hein, oh, il y a plein de choses. On va entendre encore du Carcass et puis Hell. Oui. J'en ai pas encore fait jouer du Hell. C'est un très bon album. Avez-vous fait jouer du Hell? Oui, j'ai présenté Curse and Chapter il y a quelques semaines. Il y a deux ou trois semaines. Deux semaines peut-être, oui. effectivement. Qui est supérieur à son prédécesseur. Ah, tu trouves? Oui. Ah ouais? Il est plus étoffé, plus. Ça fait vraiment Jesus Christ Superstar, mais version élevée. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le petit clin d'œil à Aquarius de Air. Ça fait vraiment. Oui, effectivement. C'est cool. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Donc, ça va être ta dernière partie de rétrospective. Et moi, personnellement, je trouve que la fin de l'année est un boom assez intéressant pour plusieurs. Oui, il y a des belles sorties. Il y a eu dans les derniers mois, contrairement je trouvais que c'était allé à un moment donné. C'était difficile. Mais l'année a très mal commencé. C'était long. Je pense que les premiers bons albums sont, à part Voivod, qui est arrivé début janvier, puis Ghost avec une festive sous même. Après ça, c'est tombé comme mars, avril, avant qu'on ait vraiment quelque chose à se mettre. Une festive sous même est sortie en avril. En avril, oui. Aussi. Parce que moi, c'est mon album de l'année, Person. Person. Ben, je l'ai pas écouté au complet encore. Je pourrais pas te dire. Et Rock Classic sera de retour en janvier 2014. Ouais. Là, je fais ma dernière émission tout seul. Oui. Et à partir de janvier, le doc est là toutes les semaines. Ah! Pauvre toi! Ouais, c'est tout toi. C'est sa punition, ça. On va avoir beaucoup de plaisir. Boué. Musicalement parlant, avant que Sinistros nous achève avec ses derniers choix, j'aimerais juste faire un petit survol vite fait de ce que j'ai écouté comme film dans les dernières journées. Des trucs qui sont quand même bien. Si vous avez des films à catastrophe qui sont assez, je dirais, explicites et violents, il y a Aftershock, qui est un film qui met en vedette Eli Roth, qu'on a retrouvé, entre autres, dans Inglourious Basterds. Mm-hmm. C'est un film qui est une collaboration chilienne, à ma grande surprise, mais c'est quand même pas mal bien, hein, mais c'est très choquant par moment, par contre. Là. C'est un film qui est assez violent. C'est un tremblement de terre pendant que des Américains sont venus rendre visite à un copain au Chili pour faire la bringue. Mais il y a un tremblement de terre assez, je dirais, d'amplitude importante qui se produit, et ça a pour effet de non pas briser uniquement la ville, mais bien la prison qui comporte des meurtriers à très haut degré, qui sont libérés. Donc, c'est assez free ce qui se passe par la suite. Aftershock, j'ai donné un 7.5 sur 10 à ce film. Écoute, je dois te dire, j'ai écouté Insidious Chapter 2. Mm-hmm. Je sais que t'as aimé le film. Oui. Moi, j'ai été déçu, Alain. Déçu? Oui, oui. J'ai été déçu à différents niveaux. Ce film-là, je l'ai trouvé que ça levait pour. Ouais. J'ai aimé pourtant le premier. Ouais. Et t'as réécouté le premier juste avant? Ben écoute, je l'ai pas réécouté juste avant, ça faute de temps. Je l'avais écouté il y a 3 semaines, comme je t'avais dit vendredi. Mm-hmm. Là. Mais je l'avais encore frais en mémoire. Là. Ouais. Okay? J'ai trouvé que le deuxième était pas mauvais, mais j'ai trouvé qu'il était assez vide. Et puis j'ai été profondément insulté de devoir dire encore, il va en avoir un autre. Ouais, ça, j'ai pas aimé. Ça, là, c'est... La finale est vraiment... Mais ça me surprend pas, James Wan, hein, parce que c'est lui qui a fait la série des décadences, les ça. Mm-hmm. Donc, il y en a fait 6, là. Ouais. Bon. Bref, moi, j'ai donné juste un 6.5 sur 10. Oh. Ben, bon, c'est quand même pas mauvais, mais je vais laisser passer quelques semaines, je vais le réécouter. Peut-être que je vais le voir sur un angle différent. Mais un film que vous devez voir, par contre, qui est vraiment bon, qui est un film qui donne vraiment dans un humour noir, c'est The Family, avec Robert De Niro et Michelle Pfeiffer. C'est vraiment bon. Ça a un aspect gangster. Je sais que t'es pas très gangster dans les films, non, là, non. Mais celui-là, le mets-le de côté parce que c'est pas uniquement assez là-dessus. C'est vraiment là, un film d'humour noir. Mm-hmm. Et c'est une famille complètement... disjoncté. Comme la famille Adams? Bien un peu plus pâle. J'ai donné un 8.5 sur 10 à The Family. C'est un film que j'ai trouvé vraiment bon. C'est un film de Luc Besson, donc c'est pas un idiot comme cinéaste. Mm-hmm. Il fait des bonnes productions. C'est un film intelligent. C'est vraiment, vraiment cool à voir. Et en closant cette dernière chapitre de Chronique Cinéma 2013, la section à revoir ou à découvrir, c'est The Return of the Living Dead. C'est simple, c'est un excellent film de zombies, 1985, c'est Dan O'Bannon qui a fait ça. C'est un des meilleurs films de zombies, un peu comédie. On n'a rien à voir. Oh, oui, c'est comédie, c'est complètement comédie. C'est loufoque, c'est complètement loufoque. C'est vraiment hot, c'est bon. Et les morts vivants sont complètement géniaux là-dedans. More Brains. Ça a bien vieilli? Absolument. Parce que dernièrement, écoute, un film que j'avais aimé dans le temps, c'était Fright Night, j'ai revu ça il n'y a pas longtemps, là, c'est mauvais. Ben, moi, je trouve ça encore avec un certain charme. Tu devrais aimer Return of the Living Dead, c'est moins bonbon un peu. Ouais. J'ai fait une belle découverte musicale, messieurs. En un temps éclair, je vous le dis, c'est un band qui donne dans un stoner, c'est un band écossais qui s'appelle Afterlife. L'album s'appelle Omega. C'est sur Off-Year Rekka Recordings. J'ai donné un 8 sur 10 à ça. C'est vraiment un excellent stoner. La guitare sonne une tonne là-dedans. Il joue en drop. C'est écœurant. Le vocal fit pas, on dirait, parce que c'est un vocal qui est assez clean, mais t'embarques dedans, là, pis tu vas emmener ça avec classique? C'est clair. Sinistros, on devrait être capable de passer avec une pièce. Une pièce de Vision Bleak. On va rentrer dans le trip des sorcières. Non, on pourrait peut-être passer à quelque chose d'autre. Rotten Christ, peut-être pas. Ben, du coup. Allons-y tout de suite. The Vision Bleak, Cannibal Witch, tiré du plus récent album Witching Hour, qui, ma foi, va rentrer dans mon top 10 de 2013. On se retrouve dans 6 minutes. Go! 21h57, That's the End, My Friend. Que venons-nous d'entendre? The Vision Bleak avec The Cannibal Witch, qui est tiré du dernier album Witching Hour, qui est paru il y a quelques mois sur Prophecy Productions. C'est un très bon album. Très bon. Oui, c'est un band que j'aime beaucoup, très conceptuel. À vous deux, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Aux auditeurs, un bizarre temps des fêtes. Oui. Hein? Nous autres, on se retrouve le 7. En 2014, pour la Retro Undead. Oui, la première partie. Effectivement, la Retro Undead, qui, comme tu le disais tout à l'heure, devrait comporter minimalement deux émissions. Oh, au train où ces parties-là, j'ai l'impression qu'on va se rendre à deux, parce c'est que ça. Je trouve des affaires que je me dis, wow, finalement, c'était bon. Ben ça. Oui, finalement, c'était pas pire. Rockmaster, on te retrouve vendredi, dès 11h pour Rock Classic. Oui. En compagnie de Simon Fitzbé, pour la première heure des éphémérides. Par la suite, la troisième partie de Rétrospective 2013. Et ensuite, on se retrouvera en 2014. Oui, le 10. Ben, le 10, effectivement. Mais on va se voir avant ça. Ah, ben, il y a des fortes chances. Mais je parle pour l'émission. Pour l'émission, effectivement. Parce que je suis très content de pouvoir participer hebdomadairement à Rock Classic. Et nous aurons une édition maintenant, 2014, qui sera... raccourcie. Oui, on l'a passé à sécheuse, donc deux heures intenses. Oui, hein, ça va être plus intense. C'est une émission en culotte courte. Oui, c'est tout cela. À fait. Nous autres, on amène le Bermuda, c'est moins épais. Oui, ouais, effectivement. Donc, sur ce, hey, merci beaucoup, Rockmaster. Ça fut très plaisant. C'était encore très une cool. Fois. Très cool, merci beaucoup. Et puis, ben merci aux auditeurs d'avoir été avec nous autres cette année. Oui. Hein? Une autre très belle année, malgré tout. Ben malgré toi. Ben c'est ça. Donc sur ce, on se retrouve en 2014. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. Au revoir.